compagnons de l'Empire, au souffle qui s'étire, des rumeurs aux cris forts, perdre vue aux cendres, aux cendres, aux cendres de la joie élue, au talent ce vide confus, caché d'un loup, elle expire, un verre à la lueur. Sa verre en confusion, une détresse soulage là, la machine aux urinoirs, passer ressasse dans le glaive, pris peur de la flambeur. Pour vous draguer, mesdames, vaut mieux avoir une gueule de connard. Température, humidité, 70% à 36 degrés. Mesdames,